Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Amelia Earhart, l'aviatrice du Kansas. Voilà plus de 80 ans que l'avion d'Amelia Earhart a disparu, quelque part dans le Pacifique, sans laisser de traces. Le 2 juillet 1937, l'aviatrice s'apprêtait à boucler la dernière étape de son tour du monde. Épuisée mais heureuse, elle avait décollé de Nouvelle-Guinée, sûre d'arriver en Californie pour la fête nationale et d'être accueillie en héroïne par le président Roosevelt lui-même. Lady Lindy, comme les Américains l'appelaient affectueusement, est alors une véritable star, reconnaissable entre toutes, avec sa silhouette androgyne, sa chevelure blonde ébouriffée et son sourire irrésistible. Mais son avion n'est jamais arrivé. Amelia Earhart appartient à cette génération de pionnières qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, bravent les interdits pour réaliser leur rêve, voler. Première aviatrice à traverser l'Atlantique, Amelia, en moins de 10 ans, multipliera les records. Voler toujours plus haut, toujours plus loin. Monter dans un avion est à cette époque une aventure hautement mortelle. Amelia avait conscience des risques, mais pas question de s'apesantir. Lorsqu'on lui demandait « Pourquoi volez-vous ?», elle répondait avec un grand sourire « Juste pour le plaisir, just for fun ». France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jennifer Le Sieur, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes écrivain, auteur de nombreuses biographies, parmi lesquelles celle justement d'Amelia Earhart, des pionnières de l'aviation. Il y en eut beaucoup dans l'entre-deux-guerres, notamment des Américaines. Pourquoi Amelia Earhart est-elle une figure spéciale ? Il suffit de regarder déjà ses photos. Elle était plus photogénique que les autres, mais ce serait un peu la réduire à son seul physique. C'était le pur produit d'une époque, tout en étant en avant sur son époque. Elle était d'allure très moderne, très sportive. Dès son enfance, c'était un garçon manqué qui affichait son indépendance. Oui, c'était une fille du Kansas, d'une famille aisée, mais sans être riche. Voilà, aisée sans plus, sauf du côté maternel. Ses parents étaient vraiment la petite bourgeoisie du Kansas, mais ils étaient eux aussi un peu en avant sur leur temps, parce que dans cette famille, ce milieu très traditionnel, très conservateur du Kansas, ils laissaient faire leurs deux filles tout ce qu'elles voulaient. Ils les forçaient pas à jouer à la poupée ou à afficher des bonnes manières, mais quand elles voulaient jouer dehors, grimper aux arbres et salir leurs combinaisons, c'était bien volontiers. Est-ce que la Première Guerre mondiale a été un moment décisif pour les femmes à ce moment-là, pour justement susciter l'intérêt pour l'aviation ? Alors, pour les femmes, je ne sais pas. En tout cas, pour Amelia Earhart, elle a trouvé une voie un peu détournée vers l'aviation, puisqu'elle a servi comme infirmière. D'abord, elle a soigné des blessés de guerre canadiens. Et ce sont ces blessés, qui étaient la plupart des pilotes, qui lui ont parlé déjà du plaisir de voler, de l'excitation du danger. Et c'est peut-être ça qui lui a d'abord mis la puce à l'oreille, jusqu'à ce qu'elle voie un avion de ses propres yeux, qu'elle le monte enfin dedans et que le déclic se fasse. Parce que la première fois qu'elle a vu un avion, en fait, ça l'a pas du tout intéressée. Elle y a vu une chose de métal et de bois rouillé qui lui paraissait pas du tout intéressant. Et son premier vol, alors son baptême de l'air, c'est quand ? Alors le baptême de l'air, c'était à Long Beach. Elle avait 23 ans, d'années, oui, une vingtaine d'années. Ça a duré 10 minutes à peine, et pourtant ça a été une révélation. Là, elle s'est dit, il faut que je vole, coûte que coûte. Quand on est une femme et qu'on n'a pas beaucoup d'argent à l'époque, c'est quasiment impossible. Mais le virus était pris. Elle est restée dans l'émerveillement, la stupéfaction, ce que le pilote a pris à tort pour de la peur. Et dès qu'elle est descendue, elle est redescendue sur le plancher des vaches. Elle a tout fait pour se payer ses premières leçons. Oui, elle a fait tous les petits boulots pour pouvoir se payer ses leçons. C'est assez étonnant. Enfin, on est dans ces années 20, il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression qu'il y a une effervescence aussi pour les femmes. Oui, ce sont les fameuses flappers de Fitzgerald, ces années folles où d'un coup la femme se modernise, les jupes et les coupes de cheveux raccourcissent, elles font la fête toute la nuit dans les nuits new-yorkaises, elles finissent ivres mortes dans les fontaines des villes. Alors ça, c'est pas du tout le cas d'Amelia Earhart, mais en tout cas pour le reste, l'émancipation et l'indépendance, oui, elle adhère complètement à cette époque d'émancipation. Ça ressemble à quoi un avion dans les années 20 ? C'est assez joli à voir et très dangereux. C'est vraiment des machines mortelles. L'aviation en est encore finalement assez balbutiement, même si les progrès techniques vont être très rapides. Il faut savoir que l'aviation est une activité extrêmement coûteuse et dangereuse. Lors des meetings aériens, on vient notamment pour voir des crashs. Bon, la plupart sont sans gravité, les avions ne volent pas trop haut, arrivent à se poser en catastrophe, mais c'est quand même extrêmement risqué. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de femmes aviatrices aux États-Unis dans ces années 20 ? Il y en a quelques-unes. Elles sont fortunées pour la plupart, parce que pour être dans ce milieu-là qui est déjà très macho, il faut avoir quelque chose en plus, et ce quelque chose en plus, ce sont les dollars. Donc beaucoup de femmes achètent leur propre avion pour se passer des autorisations d'en louer un. Et quelques femmes se distinguent assez vite. Je pense notamment à Anita Snook, qui était le premier professeur d'Amelia Earhart, ou Ruth Nichols, qui était des record women avant l'heure de l'aviation. Elles battaient des records d'altitude, de vitesse, et ont montré assez tôt que les femmes pouvaient être l'égale des hommes dans une cabine de pilotage. Il y a un événement qui marque vraiment cette époque dans l'aéronautique américaine. C'est en mai 1927, la première traversée réussie de l'Atlantique en avion. C'est Charles Lindbergh. Ça a certainement eu une influence aussi. Oui, c'était un exploit. C'est presque l'équivalent à l'époque du premier homme sur la Lune. On n'avait jamais fait ça. Lindbergh, en plus, était une personnalité très charismatique. Il faut souligner aussi l'importance des médias aussi à l'époque. Ça a été abondamment relayé et du jour au lendemain, Lindbergh est devenu un héros national. En 1928, un coup de téléphone va changer la vie d'Amelia Earhart. On lui demande, est-ce que vous voulez traverser l'Atlantique en avion ? Mais en tant que passagère. Et c'est là où le bât blesse. Mais elle ne pouvait pas répondre non. Sa réputation l'avait précédée dans certains milieux. Et le jour où une riche mécène américaine avait décidé qu'une femme devrait traverser l'Atlantique à son tour, on a proposé à Amelia Earhart de participer à l'aventure. Mais ce ne serait pas elle aux commandes, mais deux pilotes masculins. C'était un coup de pub. Donc après ce vol inaugural qui lui donne donc la célébrité, Amelia va multiplier les records jusqu'à son plus beau et son dernier défi, son tour du monde en 1937. Jennifer Le Sieur, on reprend cette discussion, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Amelia Earhart, l'aviatrice du Kansas, un texte de Clara Saer et Zoé Gabillet, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Michel Sidorov. Je dirais qu'il est 17h10. Et toi ? 30. 17h30 pour moi. Ok, Boy, laisse-moi vérifier. 17h27, bravo Fred. Tu as décidément le compas dans l'œil. Ça fait un point en plus pour moi. Attends, mon vieux, ne parle pas trop vite. Notre petit voyage n'est pas terminé. J'ai encore le temps de prendre ma revanche. Je te rappelle que la Terre est ronde et qu'on boucle bientôt notre tour. Prépare-toi à me payer une caisse de champagne français. De juillet 1937, quelque part entre la Nouvelle-Guinée et l'île de Howland, au-dessus de l'océan Pacifique. La célèbre aviatrice américaine, Amelia Earhart, est aux commandes de son avion, l'Electra, épaulée par son navigateur, Fred Noonan. Ensemble, ils s'apprêtent à boucler un tour du monde commencé un mois auparavant. Fred a raison. Déjà 23 000 miles de parcouru. Et en dépit de nos escales, des intempéries et des pépins mécaniques, j'aimerais que ce tour du monde ne finisse jamais. J'ai l'impression que chaque nouvelle étape est le début d'une grande aventure. Malgré l'altitude à laquelle nous volons, je me sens, comment dire, invincible, toute puissante. Le ciel est à moi. Ah, mais nous nous emballons pas trop. Je le sais bien, ma vie et celle de mon brave copilote ne dépendent que de notre zingue. Le moindre grain de sable dans le moteur, le moindre gramme de givre en trop pour alourdir les ailes. Et schlack, notre expédition s'arrête en quelques minutes. Ni mon expérience, ni mon énergie ne suffiraient à redresser l'appareil. Mais au diable les idées noires. Je ne vais pas me mettre à pleurnicher non plus. Après tout, il n'y a pas grand monde à avoir ma chance. Je me couche à New York et je me lève à Paris. Ça n'a pas de prix. Bon sang, c'est beau ce coucher de soleil. Oh, je sais, c'est un peu niais et cliché. Mais entre nous, quelle drogue pourrait me faire planer comme ça? Le monde est morne quand on ne le voit que du plancher des vaches. Dans quelques jours, j'aurai fait le tour de la Terre à bord de mon avion. Et dans quelques miles, j'aurai battu mon record. Amelia Earhart est au sommet de sa gloire en ce mois de juillet 1937. Elle et son navigateur tentent de boucler un record de tour du monde. Ce vol est un exploit de plus à ajouter à son palmarès. Le premier, c'était il y a moins de 10 ans. Quand en 1928, elle était devenue la première femme à traverser l'Atlantique. Au départ, c'était Amy Guest, une riche américaine passionnée d'aviation qui aurait dû effectuer ce vol. Pour réaliser son rêve de voler, en tant que simple passagère, elle avait embauché un pilote, Wilmer Stultz, et un mécanicien, Louis Gordon. Mais la famille de la milliardaire avait mis son veto à cette périlleuse excentricité. Dépitée, mais déterminée à ce qu'une femme la remplace, elle avait recruté une jeune pilote, ayant déjà 500 heures de vol au compteur, Amelia Earhart. Le 17 mai 1928, les trois aviateurs se posaient au Pays de Galles après un vol de 20 heures et 40 minutes contre les 33 heures et 30 minutes de Charles Lindbergh un an auparavant. Amelia Earhart devient vite une icône, la reine de l'air. Mais en juin 1928, lors de la réception donnée en son honneur à la Maison Blanche par le président Coolidge, la jeune femme de 31 ans, contre toute attente, est de très mauvaise humeur. Lâche mon bras! Je t'en prie, Amelia, calme-toi. Je te rappelle, au cas où tu l'aurais oublié, nous ne sommes qu'à quelques pas du bureau ovale. Qu'est-ce que ça peut me faire? Pour l'amour du ciel, JP, je te demande de me lâcher! Je te lâche. Mais suis-moi. Ah, Oswald! Oui, la réception est dans les jardins. Il paraît que le président va prendre la parole d'une minute à l'autre. Bonjour, Oswald. À tout de suite, cher ami. Allons dans cette pièce, nous serons au calme. Oups, pardon messieurs, veuillez nous excuser. Ici, nous serons tranquilles. Tu me demandes de me taire alors que j'ai envie de crier au scandale. Crier ? Crier quoi ? Eh bien, crier à tout le monde que cette traversée n'était que du vent. Amelia, je t'en prie... Ce n'est pas la soirée pour te donner en spectacle. Pourquoi ? Tu as peur que ça fasse tache à la Maison Blanche si je déverse ma vérité ? Tiens, bois un peu d'eau. Je vais très bien, je n'ai pas besoin de verre d'eau. Tu as vu ? Ils me sourient tous niaisement comme si j'étais une bête de foire. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es l'invité d'honneur du président et toi tu trouves le moyen de te plaindre et de te saouler. Ce ne sont pas des manières, voilà. Ah oui ? Et c'est quoi les manières, selon Monsieur George Putman, le plus grand éditeur de tous les temps? Garder la face, sourire et répondre niaisement « Oui, bien sûr, j'ai piloté l'avion toute seule pendant que mes copilotes Stultz et Gordon me servaient le thé. Pour une femme, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. » Arrête ton cinéma. Tu sais très bien que j'ai raison. J'étais reléguée à l'arrière pour jouer la secrétaire volante. C'était les conditions. Dès le début, quand tu as été contacté, nous t'avions prévenu. Tu tiendrais le carnet de bord et Stultz piloterait. Et Stultz piloterait, c'est vrai. Comment ai-je pu croire un seul instant qu'il puisse en être autrement? Vous n'aviez pas besoin d'une pilote pour ça. Une pin-up aurait parfaitement fait l'affaire. Le deal était clair. Et je suis désolé si tu as pu te méprendre. J'ai vraiment été idiote d'accepter. Mais regarde ton succès. Les gens t'aiment, ils t'admirent. Toi, Amelia, pas Stultz ou Gordon. Justement, c'est bien ça le problème. JP, ce sentiment d'usurpation est insupportable. C'est à toi qu'on vient demander des autographes et des photos. Un photographe? Tout à l'heure, en arrivant à la Maison Blanche, tu sais ce qu'il m'a demandé? De garder la bouche fermée quand je souris, pour faire plus lady. Non mais j'en ai assez de cette mascarade, je m'en vais! Attends, Amelia! Tu vas pas me planter là? Et la réception? Tu te débrouilleras très bien sans moi. Et je n'en peux plus de cette robe qui me sert. J'ai envie de retrouver ma vieille combinaison pleine de cambouis. Quand je mange un hot dog, au moins, tu vois, je peux m'essuyer les doigts dessus. Oh, tu es dégoûtante. Où vas-tu? Je sais pas. Retrouver mes copains mécaniciens. Loin du bal des hypocrites, en tout cas. Je me fiche de ta réception. Amelia, tu vas finir par nous tuer. Au volant, c'est moi qui décide. Et si tu n'es pas contente, tu peux descendre. Est-ce qu'on peut parler calmement? Un sac à patates, voilà ce que j'étais. Un très joli sac à patates, alors. Oh, je t'en prie, n'en rajoute pas. Tu te rends compte? La deuxième question que les journalistes m'ont posée quand j'ai mis pied à terre était de savoir quels vêtements je portais pendant le vol. Je comprends que cela puisse te blesser. Mais ce vol n'aurait pas pu se faire sans toi. En fait, pour toi, je ne suis qu'un produit comme un autre. Un produit? Mais comment ça? Mais tu sais très bien. Ton livre sur notre traversée de l'Atlantique. Tu le vendras beaucoup mieux avec mon joli minois et mes dents de la chance en couverture qu'avec les bobines de Stultz et Gordon. Pff, n'importe quoi. Ah bon? Tu t'es pas dit, j'ai fait un best-seller avec les mémoires de Lindbergh, je vais tenter le poker gagnant avec celle de la petite du Kansas? Bientôt ce sera ton tour. Je te le promets. Bientôt mon tour. Mais tu t'entends? Tu ne comprends pas? Je ne suis pas une aviatrice du dimanche. Je vole depuis des années. C'est ma vie. C'est ma passion. Et je n'ai jamais eu besoin d'un homme pour me tenir la main. Oh. Ah non, c'est pas possible. Hein. J'ai fait le plein. C'est peut-être l'huile. Qu'est-ce que tu connais en moteur? Je voulais juste t'aider. On ne peut pas discuter avec toi quand tu es dans cet état. Tu me parles comme à une gamine qui tape du pied pour faire un tour de manège. Tu sais, je pourrais t'aider à réaliser une traversée de l'Atlantique. La tienne, cette fois. En solitaire. Jusqu'à présent, j'ai bien réussi sans toi. Ça suffit, je rentre en taxi. Taxi! Je me fiche de tes dollars! En 1928, Amelia Earhart devient une véritable star. Les Américains se passionnent pour celle que tout le monde surnomme désormais Lady Lindy, aussi bien pour sa grande ressemblance physique avec Charles Lindbergh que pour ses talents d'aviatrice. Toujours mal à l'aise avec cette gloire qu'elle pense ne pas avoir méritée, Amelia finit par faire contre mauvaise fortune bon cœur. Bien décidée à voler seule, elle se met en tête d'utiliser le système pour arriver à ses fins. Car voler est une activité extrêmement coûteuse, surtout quand on n'est pas une riche héritière. JP, son publiciste, qui va bientôt devenir son amant, entretient sa notoriété en organisant des conférences avec elle dans tout le pays pour sensibiliser le public au rôle des femmes dans l'aviation. Mais aux États-Unis, l'euphorie des années folles va bientôt laisser place à la sidération. Le jeudi noir du 24 octobre 1929, précipite brutalement de nombreux Américains dans une extrême pauvreté et signe le début de la Grande Dépression. Mais Amelia Earhart n'abandonne pas son projet de traversée en solitaire pour autant. Elle multiplie les campagnes publicitaires et collabore régulièrement avec la presse féminine dans le but d'attirer les financements. Envoyez-vous en l'air. Osez comme titre, mais ça me plaît. J'espère juste que ça passera avec le directeur de publication. tellement collé monté, vous voyez le genre. Sinon qu'il n'hésite pas à m'appeler. Je lui dirai ma façon de penser. En tout cas, parfait votre papier. J'adore. Je l'envoie tout de suite aux éditeurs. La maquette prendra le relais ce soir. Si ça peut donner des envies à des lectrices, tant mieux. Oui, oui. Mais dites entre nous, l'aviation reste quand même un sport de riche, non? Vous croyez? Moi, quand j'ai commencé à voler, j'ai dû travailler pour me payer mes cours. Photographe, sténo, et j'en passe. J'ai tout fait pour réunir les 1000 dollars dont j'avais besoin. Si on veut, on peut. C'est tout. Tout le monde n'a pas votre force de caractère, Amélia. Mais justement, c'est bien là le problème. Les femmes finissent par croire elles-mêmes qu'elles ne sont bonnes à rien d'autre qu'à tenir la maison et à élever les enfants. C'est comme les pantalons. Qui a dit que c'était réservé aux hommes? Regardez-moi. Avec votre silhouette, Amélia, vous pouvez tout porter. Mais certaines gagnent à rester en jupe. Oh. Oh. Les pantalons, d'accord, mais de grâce. Laissez-nous nos talons. Mesdames. Entrez, entrez, je vous en prie. Quel bon vent vous amène, cher J.P. On vous entend à l'autre bout du couloir. Je passais prendre Amélia pour déjeuner en face, mais si vous n'avez pas fini, je peux patienter. Faites donc, j'ai encore une pile d'articles à relire. Allons-y, d'autant plus que maman doit déjà être là-bas. Filez donc, mes amis, on ne fait pas attendre une mère. Je suis ravie, mon article est passé comme une lettre à la poste. Je ne suis pas étonnée. Attention! Traverse n'importe comment. Abruti, si tu sais pas conduire, reste chez toi. Hello, hello, désolée pour le retard. Ce n'est pas la première fois. Mes enfants, j'ai commandé des club sandwich pour nous trois. Parfait, Amy. Quelque chose ne va pas? Mais non. Bah si, tu sembles contrarié. Mais non. Mais si, je vois bien. Tu as ton air pincé, je sens que quelque chose ne te plaît pas. Nous étions retenus à la rédaction de Cosmo. Les articles d'Amélia plaisent beaucoup. Avec tout le respect que je vous dois, JP, je me fiche pas mal de votre emploi du temps. En revanche, ce que j'apprécie moins, c'est de découvrir le visage de ma fille en 4x4, avec un paquet de cigarettes collées sous le menton. Ah, la publicité pour Lucky Strike est enfin sortie. Tu fais de la réclame pour les cigarettes maintenant. Garçon, du ketchup s'il vous plaît. Maman, je t'en avais parlé. Pas du tout. Tu ne retiens que ce qui t'arrange, comme d'habitude. Oh! Ne me fais pas passer pour une vieille bique. Tu me déçois. Tu as pensé à ton image. Tu ne fumes même pas en plus, c'est grotesque. Allons, Amy, ce n'est pas si terrible. Lucky Strike est une grande marque. Tout cela est bon pour attirer les sponsors. Et puis tout le monde fume. Et alors, ce n'est pas une raison? Toi qui nous as élevés sans te soucier des préjugés, je te trouve bien puritaine tout à coup. Ne vous disputez pas, ça ne vaut pas la peine. Soit. En tout cas, vanter les mérites des cigarettes pour se détendre et garder la ligne, c'est tout simplement révoltant. Oui, mais ça rapporte de l'argent. Mais je ne vois pas pourquoi tu en fais tout un plat. Parce que la cigarette va avec l'alcool dans la tête des gens. Je ne veux pas que tu vives cette vie-là. Mais tu l'as dit toi-même, je ne fume pas. À force de parler de cigarettes, ça me donne envie d'en griller une. Jure-moi que tu ne bois pas plus que de raison non plus. Je ne voudrais pas que tu finisses comme ton père. Mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Tu as toujours refusé de nous éduquer, ma sœur et moi, comme des petites filles modèles, et voilà que tu me vois la clope au bec en harpie alcoolique. Ça n'a rien à voir. Je veux juste que tu prennes soin de toi. Tu ne peux pas demander à une mère d'arrêter de se faire de soucis pour son enfant. Bon, ça suffit. Je ne suis pas là pour compter les points entre la mère et la fille. Tais-toi, JP, on parle. Oh, excusez-moi. Maman, mon hygiène de vie est irréprochable. Tu sais dans quelles conditions physiques je dois être pour pouvoir piloter? Je ne peux rien laisser au hasard. Demande à JP. Oh là là, je me tais. Je n'ai plus rien à dire maintenant. Vous avez raison, JP. Comme toujours, nous ne parlons que d'Amélia. Comment va votre vie? Mauvaise question, chère mère. Je suis en plein divorce. Oh mon Dieu, c'est terrible. Que s'est-il passé? Pas grand-chose. C'est peut-être ça le problème. Nous n'étions plus sur la même longueur d'onde. Vous devez vous sentir affreusement seule. Ne vous en faites pas pour moi, Amy. Et puis, vous savez, votre fille occupe tout mon temps maintenant. C'est une véritable star. Ah, mon cher JP, je vous souhaite bien du courage pour supporter son caractère. Du courage? C'est pas à moi que tu devrais en souhaiter, plutôt? C'est moi qui prends tous les risques. Je ne comprends pas pourquoi tu t'infliges ça. C'est toi qui me dis ça? Après m'avoir poussé pendant tellement d'années à prendre des risques? C'est une chose de concourir au rallye du Colorado, et c'en est une autre de traverser toute seule un océan. Mes parents étaient en désaccord sur beaucoup de choses. Mais ils voulaient tous les deux que je devienne une femme forte. Et voilà qu'aujourd'hui, ma mère souhaiterait que je rentre dans le rang. Quand toutes les petites filles jouaient avec leurs rubans de dentelle, ma sœur et moi étions lâchées à travers champs pour le plus grand bonheur de maman. Ah, peut-être que les gens changent avec le temps, mais pas moi. Je sais que rien ne m'arrêtera. Si je laisse la place au doute, il finira par me paralyser. Sous mes grands airs, j'ai la peur qui me prend aux tripes. Mais peut-être que sans elle, je n'aurais plus envie de voler, qui sait. Il faut que je réussisse. Je n'ai pas le choix. Je le dois à toutes ces pionnières de l'aviation qui se sont lancées avant moi. Bessie Coleman, Raymond Delaroche. Elles ont ouvert la voie en accomplissant leurs rêves, mais ont fini par perdre la vie en volant. Je m'apprête à marcher dans leurs pas. Et je sais que d'une façon ou d'une autre, elles vont m'accompagner au-dessus de l'Atlantique. Loin des pages de papier glacé, Amélia est sur tous les fronts pour améliorer sa technique d'aviation. Après avoir été la première femme à parcourir les États-Unis en solo en août 1928, elle se lance dans un record mondial d'altitude qu'elle décroche en 1931, tout en multipliant ses participations aux grandes courses nationales. En 1929, les États-Unis comptent 9098 hommes licenciés contre 117 femmes. Elle devient dès lors une voix incontournable pour promouvoir l'aviation féminine, notamment au sein des 99, dont elle est la présidente, une association de femmes pilotes qui cherchent à féminiser la discipline. Côté cœur, elle finit par accepter la demande en mariage de JP au bout de la 7e fois, mais refuse de lui jurer fidélité. Elle veut rester libre et n'entend pas se conformer au sacro-saint commandement du mariage. Le 20 mai 1932 au matin, le grand jour arrive enfin. À Harbor Grace, dans la province de Terre-Neuve au Canada, Amélia s'apprête à s'élancer seule au-dessus de l'Atlantique. Miss Earhart, Miss Earhart, s'il vous plaît. Je me présente, Stuart Woman, journaliste au Télégraphe Journal. Et j'ai quelques questions avant que vous vous envoliez. Ah, bonjour, bonjour, approchez. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Pourquoi avoir choisi un Lockheed Vega pour cette traversée? Parce que c'est le meilleur. Si j'ai choisi ce monomoteur, c'est parce qu'il a la réputation de tenir la distance et qu'il a déjà battu de nombreux records de vitesse. Pour survoler l'Atlantique, c'est ce qu'il faut, car le temps est précieux afin d'économiser le maximum de carburant. Et puis l'avion doit pouvoir tenir le choc face aux pires conditions météo. Et rappelons pour nos lecteurs que Charles Lindbergh a choisi le même avion 5 ans auparavant pour sa traversée. Faut-il y voir un hommage? À vous de me le dire, boy. Et en termes de plan de vol, avez-vous des trajectoires préétablies? Il vaut mieux, oui. Je me lance pas avec une simple boussole. Avec Balchen, mon conseiller technique, nous avons élaboré plusieurs trajectoires possibles en cas d'intempéries. Mais ça reste théorique. Personne n'est maître de la météo et il faut savoir improviser à chaque instant. Le plus dur sera d'affronter les forts vents du nord, mais c'est inévitable. Et quel sera votre menu pour ce long courrier? Je vois que le Télégraphe Journal s'empare des vraies problématiques. Pour répondre à votre question, je carbure au jus de tomate et ma cuisinière m'a préparé un petit potage pour me réchauffer. Voilà, vous savez tout. Vous êtes content? Merci, mademoiselle Earhart. Et une dernière faveur. Pouvez-vous poser avec le journal d'aujourd'hui afin de confirmer la date du vol? Excellente idée. Où voulez-vous que je me mette? Là, à côté des hélices, comme ça? Avancez-vous vers moi. Voilà, c'est parfait. On sourit. Merci, merci. Maintenant, je vais vous laisser, je dois finir de me préparer. Merci, merci, messieurs. Je vous vole ma femme pour quelques minutes. Ce genre de mise en scène m'agace de plus en plus. Et puis, il faut que je reste concentrée. En tout cas, demain, tu feras la une de tous les journaux du monde. J'espère bien. Si tu savais à quel point je suis fière de toi. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. À mon retour, nous volerons ensemble, je te le promets. J'y compte bien. Depuis que nous sommes mariés, tu me fais miroiter ce baptême de l'air ensemble. Je t'attends de pied ferme. Un dernier mot pour la fin, mademoiselle Earhart. Chers amis, proches ou lointains, laissez-moi vous dire que vous allez avoir de mes nouvelles dans moins de 15 heures. Oh. 14h56, j'ai réussi. En moins de 15 heures, j'ai traversé l'Atlantique. Oh, je serais capable de tuer maintenant pour une gorgée de whisky. Je suis frigorifiée. Ce cockpit est une glacière. Je ne sens plus mes pieds. Me voilà en Irlande. J'avais prévu Paris, mais c'est bien aussi. J'ai changé de continent, c'est tout ce qui compte. Malgré le vent du nord et le givre, mon avion n'a pas flanché. Et moi non plus. Cette fois, je l'ai fait, sans personne d'autre. Il faut que je parle à JP, à maman, les rassurer, leur dire que tout va bien. Je voulais prouver que les femmes peuvent accomplir la plupart des choses que les hommes accomplissent. C'est chose faite. Mais je ne vais quand même pas m'arrêter là. 5 ans plus tard, Amelia et JP habitent désormais en Californie. Attends, j'en ai une bien bonne pour toi. Tu connais la différence entre un pilote et Dieu ? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, Dieu ne se prend pas pour un pilote. On parle pour toi, hein. Je me sens pas concerné, je suis qu'un navigateur. Oui, enfin, t'es le meilleur dans ton domaine. Et tu me connais, je préfère toujours parler à Dieu qu'à ses saints. La flatterie n'est pas ton genre, tu as quelque chose à me demander, toi. 40 jours en tête-à-tête avec moi. Ça te dirait ? Faut voir, dis-moi plus. Un tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, début mars. T'es partant ? Mais tu t'arrêtes jamais ? Depuis quand t'as cette idée en tête ? Il va falloir que je raccroche. Je te rappelle un peu plus tard dès que j'ai un moment. Mais réfléchis à ma proposition. Tu n'es pas habillée ? J'étais au téléphone. Les invités sont arrivés, on t'attend. Ah merde, déjà ? Je t'ai dit 10 fois aujourd'hui qu'il serait là à 8h. Descends, j'arrive dès que je finis. Tu veux rire ? Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Moi non plus. Toi, tu excelles dans ce genre de pince-fesses. Tu me connais, je suis sans filtre, je déteste ça. Je ne veux pas tenir le crachoir à des gens qui ne m'intéressent pas. J'ai pas de temps à perdre. Ce pince-fesses, comme tu dis, est organisé dans ton intérêt. Ces gens que tu méprises sont ceux qui te financent. Bien, bien. J'enfile une robe et je descends. Le temps de ranger ça... C'est quoi ces cartes sur ton bureau ? Rien d'intéressant. Tu mens très mal. Avec qui étais-tu au téléphone quand je suis arrivée ? Fred Noonan. Qu'est-ce que vous tramez ? Écoute, allons rejoindre les invités, c'est pas le moment d'en discuter. On va prendre le moment. Les invités ne sont pas à 5 minutes près. Ils peuvent attendre. Je tente mon tour du monde. Et tu n'aurais pas pu m'en parler avant ? Je suis ton mari. Pas un figurant dans le grand film de ta vie. Je t'avais prévenu, JP. Je ne serai jamais la parfaite petite épouse. Je suis ta femme, mais je reste libre. Je n'ai besoin d'aucune permission de ta part. Qui parle de permission ? De toute façon, je sais que je ne te ferai pas changer d'avis. Si je t'ai choisi, c'est parce que tu me comprends mieux que personne. Rien ne pourra t'arrêter. Même pas tout l'amour que j'ai pour toi. Tout ce que je te demande, c'est un peu de considération. Je t'ai épousée. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Fais attention, Amelia. À trop vouloir être libre, tu pourrais bien finir toute seule. Habille-toi. Les invités vont finir par partir. 1937. Amelia Earhart se lance à corps perdu dans son nouveau projet de tour du monde. Pour cela, comme prévu, elle enroule à ses côtés Fred Noonan, un navigateur de grand talent qui a fait ses preuves aussi bien dans l'aviation que dans la marine. L'idée est d'établir un nouveau record puisqu'il s'agit de suivre la route de l'équateur, la plus longue. Une première tentative en mars 1937 échoue à Hawaï lors d'un incident au décollage. Sans gravité pour les passagers, l'épisode endommage lourdement l'avion, l'Electra, qui doit subir d'importantes réparations. Il faut donc attendre le 1er juin 1937 pour pouvoir transformer l'essai. Le duo quitte Miami et avec de nombreuses escales, parcourt le globe en passant par l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Le 29 juin 1937, après avoir parcouru 35 000 km en un mois, l'Electra fait escale en Nouvelle-Guinée. Ah. Oh, ces piqûres d'insectes me rendent folle. Tu devrais refaire des cataplasmes d'aloe vera, ça te soulagera un peu. T'as raison. Bon, je récapitule. pas d'autre solution pour rejoindre Hawaï que de faire étape sur l'île de Howland. Voilà. Enfin, île, c'est un bien grand mot. Atoll serait plus approprié. Le caillou fait 2000 mètres de long sur 500 de large. Bah, mon vieux, on n'a pas intérêt à se planter dans nos calculs. On n'a pas le choix. Sinon, c'est le grand plongeon. Il n'y a que de la flotte à des milliers de kilomètres à la ronde. Et inutile de savoir nager. Quand tu touches l'eau, il est déjà trop tard. Je te rassure, la piste aménagée est tout à fait praticable. Et s'il y a quelqu'un qui peut faire ça, c'est bien toi, non ? J'espère que tu as raison. Quand j'ai dit aux copains que tu m'avais recruté, ils n'en revenaient pas. T'es la meilleure. Chaque vol est un défi. Les aviateurs, on est comme les marins. On a intérêt à rester humble face à la nature. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as plus à faire tes preuves. Tu as montré à tout le monde que tu pouvais rivaliser avec les plus grands. C'est pas pour mon ego que je fais tout ça. C'est une drogue, alors ? Un genre. Tu t'arrêteras jamais, c'est ça ? Pas maintenant, en tout cas. J'ai 39 ans. J'ai envie d'accomplir tant de choses. Ce sera quoi, le prochain exploit ? Oh, mon pauvre Fred, j'ai plein d'idées. Et la technique fait de tels progrès. Tu te souviens, nos premiers coucous ? C'est pas avec eux qu'on aurait pu atterrir sur notre île déserte. À propos, comment ça va se passer demain avec la liaison radio ? En plus de tout l'attirail que nous avons à bord, le gouvernement américain déroule le tapis rouge pour Miss Erhard. C'est tout l'intérêt de voler avec moi. L'US Navy met à notre disposition l'un de ses meilleurs navires en plus, l'Itasca. C'est lui qui va nous conduire à bon port. Par des signaux lumineux ? Des signaux de fumée, plutôt. L'Itasca nous attendra non loin de Holland pour nous guider par message radio. Les choses sont bien bordées. Quand est-ce qu'ils interviennent ? Dès qu'on décide d'établir le contact, en approche ou au moment de l'atterrissage. De toute façon, avec la météo, on a peu de risques de les louper. Des infos sur l'équipage ? C'est Léo Bellartz qui prend en charge l'opération. Il connaît bien son job. Ok. Selon mes calculs, on devrait arriver en fin de journée et apercevoir l'îlot vers 17-18 heures. Bon. Et après Howland, plus que 7000 miles et retour au bercail. On a fait le plus dur, Fred. Je parle pour toi. La liaison radio avec la Navy, c'est sur moi que ça tombe. Mais c'est pour ça que je t'ai choisi, mon ami. Ouais. Allez, au lit. Demain matin, c'est reparti pour le Pacifique. À vos ordres, boss. Fred, fais-moi penser. Pour nos prochains vols, ce serait bien d'embarquer un appareil photo. Ça nous ferait de beaux souvenirs. Le 3 juillet 1937, à 7h42, l'Electra quitte la Nouvelle-Guinée. Les conditions météo sont bonnes et tout laisse à penser que ce vol ne sera qu'une formalité. Quand l'avion quitte la piste, personne ne sait alors que c'est la dernière fois que Fred Noonan et Amelia Earhart seront aperçus vivants. 2 heures. Déjà 2 heures que nous tournons sans savoir où nous sommes. Le carburant va commencer à manquer. J'entends Fred derrière moi qui tente pour la 10e fois d'établir le contact avec l'Itasca. Sans succès. Mais où est passé ce navire, nom de Dieu ? Allez, j'essaie à mon tour une dernière fois. Electra pour l'Itasca. Electra pour l'Itasca. Vous m'entendez ? Nous devons être au-dessus de vous, mais vous ne pouvez pas nous voir. Le carburant est faible. Impossible de vous joindre. Nous volons à 1000 pieds. Electra pour l'Itasca. Electra pour l'Itasca. Vous m'entendez ? Notre position est lancée comme une bouteille à la mer. Est-ce qu'ils m'ont entendu ? La mer à perte de vue. Des nuages qui s'épaississent de plus en plus. Pas une trace de navire ou de l'île de Howland. Fred est blanc comme un linge. Il a compris, lui aussi. Je me souviens. Mon premier avion. J'ai l'impression que ma vie a commencé avec lui. Je pense à toi, mon beau JP. Que fais-tu en ce moment ? Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais de rester libre. C'est comme ça que je t'aime et c'est comme ça qu'on s'est aimé. Toutes ces heures de vol et ces feuilles de route seront mon héritage. Les dernières traces de mon passage sur terre et dans les airs. Amelia Earhart, l'aviatrice du Kansas, de Clara Saer et Zoé Gabillet, avec Amelia Earhart, Anne Cantino, Georges Putnam, Pascal Bécard, la mère d'Amelia, Sophie Barjac, la rédactrice en chef, Nicole Sigal, Stuart Truman, Pierre-Marie Baudouin, Fred Noonan, Bertrand Suarez-Pazos, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Bernard Laniel et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Justine Dibling, réalisation Michel Sidoroff. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. On reprend la discussion sur Amelia Earhart dans quelques minutes avec mon invitée Jennifer Le Sieur. Up and down this corridor, waiting for you to swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some sign, find the way, but me as I come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glance it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes it's just like the rest of us. It must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected to find. Yes, I'm all out on display, and what I've spent a life together. In a night I'll give away. Yes, in a night I'll give away. So I smile a little too much, and the glance it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glance it comes quick to the mouth, and I go on and on. Lou Doyon, Too Much sur France Inter, autant n'importe l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Ludovic Asselot. Triste fin donc, Jennifer Le Sieur, pour celle qui était sur le point de réussir son plus bel exploit, être la première aviatrice à accomplir le tour du monde. Oui, triste fin, et j'avoue que ça me serre toujours le cœur d'entendre ces dernières paroles, même s'il s'agit d'une fiction, ouais. Parce que le grand silence qui a suivi et qui est resté longtemps inexpliqué continue de résonner. Je m'aperçois que je suis toujours aussi attachée à ce personnage. Oui, des recherches énormes et très coûteuses ont été entreprises sur l'ordre de Roosevelt, qui connaissait personnellement Amelia Earhart. Ça a coûté 4 millions de dollars, 4000 hommes ont été mobilisées pendant plusieurs semaines, elles n'ont abouti à rien. Non, hélas, c'était la première fois qu'un président déployait des moyens aussi extraordinaires pour une civile. Elle était très proche du couple Roosevelt. Elle avait déjà donné son baptême de l'air à Eleanor, la première dame, qui voulait continuer de voler après, mais c'était pas des choses à faire pour une première dame. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, Jennifer Le Sieur? Il y a eu énormément d'hypothèses, de thèses, beaucoup de gens ont continué les recherches de manière plus ou moins sérieuse pour essayer de savoir ce qui s'est passé. On n'a retrouvé donc ni le corps, ni l'avion. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? En fait, il y a eu beaucoup de théories, dont évidemment quelques théories du complot, toujours à la mode. Je passe l'enlèvement extraterrestre, inévitable. Ah oui, on a eu le droit à ça aussi. Oui, j'aime bien cette théorie, mais vraiment invérifiable. Oui. Plus sérieusement, les États-Unis ont fait courir le bruit qu'elle aurait été capturée par des Japonais, puisque c'était la guerre du Pacifique. Que les États-Unis ont fait courir le bruit, c'est quoi? C'est le gouvernement qui aurait fait courir ce bruit? Certains Américains ont fait courir le bruit qu'elle était espionne, espionne pour le gouvernement américain, et qu'elle aurait été capturée par les Japonais sur une île où elle se serait posée en urgence et emprisonnée et exécutée. Oui, on aurait même dit qu'elle aurait été exfiltrée par les États-Unis et qu'elle aurait repris une vie normale sous une autre identité. Voilà, on a même trouvé un pseudo-sosie au New Jersey qui aurait été Amelia Earhart. Il a fallu qu'elle fasse une conférence de presse pour dire que non, elle n'était pas du tout Amelia Earhart. En 1940, il y a un officier britannique, assez sérieux, lui, qui a découvert des ossements. Il y a un sextant, je crois, sur l'île de Nikumaroro, à quelques centaines de kilomètres de l'île de Howland, des informations qui n'ont été reprises finalement que 80 ans plus tard et qui ont été finalement vérifiées. On pense que c'était vraiment les os d'une femme qui pouvait être Amelia Earhart. Oui, c'est étrange parce qu'à l'époque où les os ont été découverts, dans les années 40, les tests ADN n'existaient pas. C'est un anthropologue qui a examiné ces os, déterminé qu'ils appartenaient à un homme de taille moyenne ou à une femme assez grande, sans que ce soit vraiment poussé, et les os ont été ensuite perdus. Donc il était impossible de refaire des tests plus tard, et de nouveaux os ont refait surface, et là on s'est aperçu que il pouvait très bien appartenir à Amelia Earhart puisqu'elle mesurait 1m73 et pas forcément un homme de taille moyenne. Donc qu'est-ce qui serait passé à votre avis? Alors ce qui s'est passé, c'est que la théorie la plus probable, c'est qu'elle se soit crachée en mer avec ses réservoirs vides. Apparemment, elle se serait posée en urgence donc sur cet îlot de Nikumaroro dans l'archipel des Kiribati, qui est vraiment un atoll corélien inhabité, et qu'elle aurait survécu en se nourrissant de crabes de cocotier et d'eau douce avec Fred Noonan, d'où les ossements et d'où les éléments d'avion qui ont été retrouvés sur cet îlot. Oui, ça c'est très récent. Alors les os, c'était l'année dernière, et là, en janvier 2019, en effet, c'est un groupe de recherche internationale spécialisé dans les recherches d'épaves qui aurait retrouvé les traces d'une épave d'avion recouverte de corail aujourd'hui, mais dont certains éléments montrent qu'ils appartenaient au Lockheed Electra, donc l'avion d'Amelia Earhart. Dans votre livre, Jennifer Le Sieur, vous avez l'air de sous-entendre que ce tour de monde était un peu assez mal organisé, des étapes très courtes, fatigantes, des pays au climat difficile, et ils seraient tombés malades tous les deux, donc Amelia et Fred Noonan, son coéquipier, et puis ils se seraient débarrassés de matériel en Nouvelle-Guinée, et puis l'île de Howland était peut-être une île trop petite pour y faire escale. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, à votre avis? Oui, il y a certainement des erreurs qui ont été commises vers la fin du voyage, parce que c'est étonnant de voir à quel point Amelia Earhart était préparée. Elle laissait strictement rien au hasard. C'était vraiment une aviatrice sérieuse. Et pourtant, elle a commis de grandes imprudences vers la fin du voyage, c'est-à-dire qu'elle a quand même parcouru plus de 36 000 km en un mois et demi, sans prendre le temps de se reposer, de faire des repas corrects. Fred Noonan et elle souffraient de dysenterie, ce qui affaiblit considérablement le corps. La fatigue accumulée les a conduits à commettre de grandes imprudences, comme pour alléger l'avion, ils ont décidé de laisser 500 kilos d'équipement à terre avant de s'envoler pour leur dernière étape, dont leur code morse, une fusée de détresse et une antenne radio, ce qui semble complètement fou. Je vous propose, si vous voulez bien, d'écouter la voix d'Amelia Earhart. C'est un document assez rare où elle parle, notamment avec enthousiasme, de l'aviation. De toutes les inventions modernes, celle qui, bien sûr, m'intéresse le plus est le transport aérien. Voler est sans doute la réussite scientifique la plus spectaculaire. En l'espace de 30 ans seulement, le monde a vu le rêve des inventeurs devenir une réalité tous les jours. Je suis peut-être partiale, mais pour moi, aucun autre progrès ne peut apporter autant de romantisme, de beauté et en même temps d'utilité que ne le fait l'aviation. Moi-même, je vole avec des moteurs à explosion WASP, ce qui m'a emmené au-dessus de l'Atlantique Nord, une partie du Pacifique, Mexico et très souvent à travers ce continent. Aviation, this young modern giant, exemplifies the L'aviation, géant jeune et moderne, ouvre la voie de ce que peut être la relation des femmes à la science. Bien que les femmes n'en aient pas encore tiré tous les bénéfices possibles, l'aviation est aussi valable pour elles que pour les hommes. Donc c'est un document assez rare, non daté, la voix d'Amelia Earhart, c'est assez bouleversant, vous ne trouvez pas, Jennifer Le Sieur ? Oui, toujours, autant que les images filmées d'elle où on la voit radieuse à côté de son avion sur le point d'embarquer pour une nouvelle aventure, c'est quand même une personnalité à l'enthousiasme contagieux. On l'entend, elle était extrêmement active aussi en faveur des droits des femmes. Elle l'a souvent redit. Elle a créé cette association 99 en 1929. C'était quelque chose de très important pour elle. Oui, c'était l'autre grand but de sa vie. Le premier étant de voler librement. Le deuxième étant d'encourager les femmes à suivre un peu son exemple, à suivre leur passion, quelle qu'elle soit. Et particulièrement les aviatrices. C'est vrai que cette association des 99s, qui existe toujours, a poussé toujours plus de femmes à prendre leur licence de pilotage, même si elles restent en nombre inférieur aux hommes. C'est quelque chose qui a énormément popularisé l'aviation aux États-Unis. Quels étaient les enjeux justement pour les femmes aviatrices à cette époque, dans les années 20, 30 ? Elles devaient trouver leur place dans les vols commerciaux notamment ? Oui, ça aussi, ça a été un des derniers combats d'Amelia Earhart, et d'enlever la peur aussi, la crainte qu'avait le passager lambda de monter dans un avion, surtout quand il était piloté par une femme, imaginez. Il faudra attendre en tout cas 1967 pour qu'une femme, pour la première fois, réussisse le tour du monde en avion qu'avait tenté de faire Amelia Earhart en 1937. Donc Géraldine Mock, une Américaine. Merci beaucoup Jennifer Le Sieur. Votre biographie Amelia Earhart est disponible en poche chez Grasset. Et vous êtes l'auteur plus récemment de Tu marcheras dans le soleil, consacré à l'écrivain britannique Bruce Chatwin, édité chez Stock. Et sur l'histoire des aviatrices, à lire également le grand classique Elles ont conquis le ciel, de Bernard Marc chez Artaud. Et je remercie Radio France Lyon. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, 26 mai, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission, mais nous suivrons bien sûr avec grande attention les résultats des élections européennes. Et comme le 2 juin à 21h sera diffusé un concert dans le cadre du festival We Love Green, c'est donc le 9 juin que nous nous retrouvons pour un nouvel Autant n'importe l'histoire consacré à un personnage haut en couleur, héros de l'histoire écossaise. Bonnet Prince Charlie au XVIIIe siècle, il tenta de reconquérir son trône et redonner l'indépendance à son pays. Une aventure qui nous conduira sur le champ de bataille de Culloden et dans les Highlands. Mais tout de suite après le flash, vous avez rendez-vous avec Edouard Baird, Lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.